ça faisait longtemps qu'on s'est pas vu, genre, hein. C'est combien, je crois, un mois, deux mois, je sais même plus, en fait on n'a jamais le temps d'enregistrer quoi que ce soit. Donc, bienvenue à Deux Hommes et un Bouquin. Salut JR. Salut Mathieu, comment tu vas? Bah, ça va plutôt pas mal, ça me fait plaisir de te voir, j'avais presque oublié ta présence, même si en fait ça fait un mois qu'on lit tous les deux le même bouquin et que, bon, normalement on était censé s'en souvenir, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, alors moi, comment ça va? Je suis à Nantes et il fait très chaud, et j'ai fini Les Frères Karamazov, et j'ai l'impression que c'est un accomplissement, c'est un marathon, parce que le livre fait plus de 1000 pages et c'est un parpaing. Ouais, et oui, c'est un parpaing. D'ailleurs, en 68, on le jetait sur les SRS. Hein. Ouais. Il n'y a pas de secret. Surtout le mien, il est en deux parties, donc ça fait deux fois plus acheté. Et je crois qu'il y a eu des blessés avec le mien. Il y a un peu de sang dessus, il y a de la cervelle. Ouais. Moi, j'ai de la pastèque et du guacamole, je crois. Et du pastrami aussi. Mais je crois que ça, c'est parce que tu manges comme un cochon. Ouais, ah ouais, parce qu'il y en a un peu sur mon t-shirt aussi. Ouais. Donc voilà. Bon, bref, les frères Karamazov. Je pense que j'ai gueulé à ce moment-là. Je suis désolé. Alors les frères Karamazov, oui, je t'en prie, vas-y. De Fyodor Dostoïevski. Oui, tout à fait. Bien, très bien prononcé. Un livre publié en 1879, deux ans avant la mort de son auteur. Je pense une œuvre néfaste qui aura tué beaucoup de monde, hein, soit par sa longueur, soit par ses moments de vide un peu. Par ailleurs, ce que je voulais dire. Là, ça n'a rien à voir. C'est que je pense que là, on entame une nouvelle formule. On s'est dit qu'on faisait des podcasts beaucoup trop longs et qui barbaient un peu tout le monde et qu'on aussi, on avait cette fâcheuse tendance à raconter les livres de manière longue, interminable. Et on s'est dit qu'on allait moins raconter les livres et beaucoup plus les critiquer. Ouais, même quand les livres sont bons, a priori, là, on est parti pour... Pour essayer de trouver toujours la petite coquille, la petite erreur, la petite scorie qui nous permet donc, bien sûr, de toujours trouver une faille dans les bouquins. Et donc on est plus dans l'élégie là, maintenant on va vraiment passer au lance-flamme. Même les bons livres, on les passera au lance-flamme. Ouais, parce que façon, c'est comme ça. Façon au dotafé, façon 36 quoi. Ouais, c'est nous qu'on décide. Donc là, alors, malheureusement, en fait c'est dommage parce que quand tu parlais de 36... En fait, ça aurait vraiment marché si on avait fait le bûcher des vanités à ce moment-là. C'est vrai, c'est vrai. C'est un peu dommage. Bon, bref, du coup, est-ce que tu veux nous raconter un peu tu veux nous raconter le livre très rapidement? Ouais, alors le livre s'ouvre... Non, je déconne. Ouais, ok, vas-y. Les frères Karamazov sont trois frères et demi qui se retrouvent dans une petite ville de la province de Saint-Pétersbourg, à l'époque Pétersbourg. Et qui sont un peu sous le joug d'un père à la fois bouffon, autoritaire et très très riche. S'ensuit la mort du père, donc par une mort violente, et toute la deuxième partie du bouquin raconte un peu le procès, la façon dont un des frères est accusé, la façon dont un autre essaye de le défendre, etc. Donc ça, il y a les trois frères majeurs que nous allons appeler Dmitri, Ivan et Alyosha, Alexei, et enfin un dernier, Smerdiakov, une espèce de beau-frère un peu bizarre, un peu qui pue, quoi. Ouais, donc le fils d'une certaine Smerdiashchaya et d'un père inconnu, mais qui est peut-être le père des autres Karamazov aussi. Donc ce serait potentiellement un demi-frère des autres Karamazov. Alors il faut savoir que le meurtre survient au milieu du bouquin, en fait. C'est pas du tout au début, alors que c'est l'intrigue principale, mais il arrive à la page 450 à peu près. Ouais, il prend le temps pour poser bien les personnages, les relations qu'ils ont les uns avec les autres, ce genre de choses. On prend le temps, en fait. C'est un livre, on prend le temps, quoi. Ouais. On a le temps. Ouais. Alors moi, je vais tout de suite donner mon avis sur le livre, si tu veux. Si tu veux bien qu'on commence. Alors, bah, moi, je trouve que donc justement, les frères Karamazov pêchent et à la fois bénéficient de son ambition. Parce que c'est un livre très ambitieux qui est un peu la somme de tous les romans de Fyodor Dostoïevski. Il a écrit ça en fin de vie. Et il a voulu en faire une somme fleuve, un rassemblement de toutes ces idées majeures qui sont la religion, la scolastique, donc l'étude de la religion, carrément le bien et le mal, voilà. Donc il y a beaucoup de choses comme ça. Et donc Au début du livre, ou je dirais en fait toute la première moitié du livre finalement, il y a beaucoup de passages à vide qui sont censés justement ne pas être des passages à vide, c'est des passages d'intense réflexion qui durent 50 pages, 60 pages, où il se permet de prendre des histoires dérivées, de partir sur d'autres chemins, de donner la parole à ses personnages pendant des plombes. Et on a notamment Ivan, le deuxième fils, qui raconte une histoire sur l'arrivée de Jésus au temps de l'Inquisition. Donc, l'Inquisition espagnole, bien sûr. L'Inquisition espagnole, bien sûr. Pas l'Inquisition macronienne. Pas l'Inquisition de bien mal acquis aussi. Voilà. Est-ce qu'on rajoute un son de batterie à ce moment-là? Non, pas besoin, alors on n'est pas sur Rire et Chanson. Hein. Ouais, ok, ça roule. Alors bon, ce qui se passe, c'est que moi au début, j'étais vraiment pas convaincu, il y avait beaucoup de longueur. Il y avait énormément de longueur, surtout dans la première partie, pardon. Et ça me dérangeait beaucoup, je sais pas pour toi. Ouais, en fait, c'est un livre dont le style est vraiment particulier, mais enfin, il ressemble vraiment aux autres de Dostoïevski, en fait. Il y a toujours beaucoup de psychologie, donc chaque ligne de dialogue peut donner suite à deux pages de réflexion, de supposition sur ce que pense la personne qui dialogue, sur la supposition de la personne face à lui, sur ce qu'on peut en déduire, etc. Donc en fait, tout ça, ça fait que l'action est très très très lente, et ça crée un rythme vraiment particulier, donc très lent. Et ça, forcément, on peut avoir du mal à rentrer dedans à cause de ces choses-là qui sont vraiment typiquement dostoïevskiennes. Ouais. Mais alors moi, pour le coup, en fait, si je dois comparer ça avec Crime et Châtiment, par exemple, j'avais noté beaucoup moins de longueur. La théorie passait d'elle-même, en fait, sans qu'on l'explique, sans qu'on ait une réflexion très très longue de l'auteur ou d'un des personnages. Donc en ce sens-là, je trouvais que c'était quand même différent. Après, l'ambiance et le fait que ce soit presque un roman policier, puisqu'il s'agit d'une histoire de meurtre et d'une enquête et d'une comparution et d'un passage dans un tribunal, ça ressemble beaucoup à un roman policier. Donc c'est vrai qu'après, ça ressemble beaucoup à ses autres œuvres. Mais en fait, là, c'est un peu quelques liens avec des œuvres classique du 19e, genre Balzac ou ce genre de choses, où la mise en situation est très très très très longue, et en fait c'est pour permettre ensuite au déroulement de l'action d'avoir lieu sans aucune interruption, etc. En fait, comme l'action est, le contexte est vraiment très longuement posé, ça présuppose que le lecteur comprend immédiatement ce à quoi engage chaque action qui intervient dans une deuxième partie. Donc en fait, c'est pour ça que la deuxième partie est beaucoup plus active, on a beaucoup moins de temps pour se préoccuper, etc., des relations, par exemple, des fils Karamazov avec leur père. Tout ça, c'est déjà longuement décrit dans la première, et après, on considère que c'est de l'acquis. Ouais, non, je suis d'accord. Il n'empêche que, bon, quand on dans la première partie, on se demande un peu où ça mène, puisqu'on attend, je dirais pas avec impatience, mais quand même, on attend le meurtre, puisqu'on sait qu'il va arriver. Si on lit le quatrième de couverture de en tout cas de mon édition, je sais pas la tienne, mais si je lis mon quatrième de couverture, la première phrase, c'est « L'odieux Fédor Karamazov est assassiné ». Donc ça, c'est vraiment le point de base, c'est le premier présupposé, donc on se dit que ça va commencer par un meurtre. Alors qu'en fait, pas du tout. Karamazov père s'appelle Fédor aussi, ça c'est à noter, hein. Ouais. Comme l'auteur du livre. Il y a plein de petits points comme ça qui laissent... Est-ce que 90% de la population mâle de Russie ne s'appelait pas Fédor à l'époque? Je dois t'avouer que je connais pas trop de tsars qui s'appellent Fédor à partir de là. Ouais, bah, à part Guillaume et Pierre et Alexandre. Alexandre? Ouais. Yvan. Yvan, voilà. On continue la liste? Il y en a un qui s'appelle Mathieu. Non. Ouais. Bon, on arrête. Je pense pas qu'il y en ait un qui s'appelle JR. JR 1er, JR 2. Bah, Yvan, c'est Jean. Hein. Ouais. À partir de là, désolé. Yvan, c'est Jean? Bah oui. T'es sûr? Bah oui. Et Yvan Romanov, ça fait presque Jean Romain. Hein. Excuse-moi. Ouais. Ah ouais, pas mal. Après, moi, je suis pas là pour me trouver des aïeux russes blancs. Hein. Moi, je suis un col bleu. Moi, je viens du peuple. Hein. Ouais. Bon, alors. Pour retrouver tes pattes, retrouver le fil du récit, on en était au père, et, ouais. Alors, et un peu sa folie. Ouais, bah c'est ça en fait. C'est la folie du père, parce que le père c'est un clown en fait. Hein. C'est un mec qui aime, il aime bien faire rigoler il aime bien faire rigoler son village. C'est un peu comme un mec sur un comptoir dans un PMU, n'importe quel gars. Même quand il se fait larguer par sa femme, il le crie à tout le monde et il se ridiculise lui-même. Alors après bon voilà, moi ça m'avait, il y a une très longue exposition des personnages. Il y a eu aussi surtout un personnage qui est très important dans la première partie, qui est le Staretz, qui est le supérieur religieux du dernier fils, Alyosha, qui Mais est. en tant que Starrett, il a d'ailleurs son étoile sur Hollywood Boulevard. Ouais, voilà, très bonne blague, je l'attendais. Et donc voilà, bon bref, donc moi j'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs, je sais pas pour toi. Ouais, non, je suis d'accord. En vrai, la première partie, il y a franchement des longueurs. Mais en fait, je me suis assez rapidement habitué au rythme. Et du coup, en fait, disons, j'étais plus pris dans le rythme. En fait, il y avait les passages vraiment longs, je les lisais sans, disons, sans en avoir vraiment l'impression. Du coup, la première partie, je la lis. Enfin, disons qu'il y avait les longs passages, je les lisais sans que ça me fatigue trop, parce que, en fait, pour moi, il faisait plus partie d'un rythme englobant que vraiment. Y a beaucoup dans le style, il y a beaucoup de redites, il y a beaucoup de choses qui sont répétées, il y a beaucoup de paraphrases, un petit peu, par exemple. Des adjectifs qui sont des synonymes et qui sont collés les uns à côté des autres pour, disons, pour caractériser de manière très très très précise. Ouais. Et quand on lit, en fait, tellement de précision, ça peut nuire un peu, ouais, je suis d'accord, au plaisir de la lecture, à l'expérience de lecture, comme on dit, Ouais. à Rire et Chanson. Bah alors pour l'expérience de lecture, je pense qu'aussi c'est la langue russe ne facilite pas les choses. Je pense que c'est une langue qui est très difficile à traduire. J'avoue, j'en sais rien, moi. Là, tu m'as Non, mais dépassé. je pense, puisque en fait c'est comme le japonais. Quand il est pas rare qu'on lise un bouquin en japonais, un bouquin pas en japonais mais qui est écrit par un auteur japonais, et que la traduction semble très maladroite parce que ce sont pas des langues qui s'assemblent, le français, le japonais ou le russe, on n'a pas c'est pas les mêmes racines, donc c'est compliqué à traduire parce que ça fonctionne pas de la même façon. Alors Ouais, que ça c'est Luc Le traduire de Carrier, l'espagnol. linguiste, hein. Ah ouais, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, j'ai trouvé, on en a déjà parlé, moi j'ai trouvé que ma traduction était mauvaise. Donc c'est une traduction, je vais tout de suite dénoncer la traductrice, Elisabeth Gertick. Alors, je sais pas, je connais pas du tout vos autres travaux, puisque Madame Gertick nous écoute probablement. Je ne connais pas vos autres travaux, Madame Gertick, mais Et je alors ouais. j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, c'est qu'elle est vraisemblablement décédée à l'heure actuelle. Bah du coup, je lui parle en regardant le plafond, plutôt, en Très regardant bien. le Donc lustre. elle habite au deuxième et c'est à cause d'elle que t'as un dégât des eaux. Ouais, bah je vous remercie pour, hein. bref, attends. Et donc ouais, donc ce que Bref. ta traduction, elle date de quand? Pour moi, elle date des années 50, Moi, non? c'est 70, dans les années 70, et je pense que ça, Ouais. c'est la traduction canonique. Et donc, Madame Gertick, j'ai trouvé sa traduction très maladroite. Il y avait beaucoup de, comme tu le dis, il y a beaucoup de successions d'adjectifs, en fait, qui sont assemblés comme ça, un petit peu à la va, comme je te pousse. Et il y a aussi des choses, en fait, il y a beaucoup d'erreurs typographiques et d'erreurs de temps. Donc, j'en ai une, par exemple, c'est page 498. J'ai, par exemple, si je savais qu'il guérisse. Et ça, par exemple, enfin, je trouvais que c'était vraiment très bizarre. C'est du français à l'époque. Hein. Toi, t'étais pas là dans les années 70, mais à l'époque, ça se disait. Hein. Chrétien de Troyes, il écrivait comme ça. Si, oui, probablement, ouais. Et Ronsard, pareil. Bah, Madame Gertick aussi, apparemment. Mais il y a ça, il y a énormément d'erreurs typographiques, en fait. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui m'ont beaucoup perdu au départ. Par exemple, il y a le fait, et ça, j'avais jamais vu ça auparavant. Je ne sais pas si c'est Dostoïevski qui a décidé ça, mais il y a une ligne de dialogue. En fait, la ligne de dialogue suivante, c'est la même personne qui parle, en fait. Donc, on a des lignes de dialogue qui suivent avec une ligne, littéralement un trait. Et en fait, on s'aperçoit que c'est pas du tout une réponse d'un autre personnage au même, mais en fait, c'est le même personnage qui parle et qu'on lui a rajouté une ligne, je sais pas pourquoi. Parfois, il y a des parenthèses qui s'ouvrent et ça devient d'un coup un des guillemets qui se ferme, bon, je sais pas pourquoi. Et ça, j'ai la réponse à tout ça. C'est en fait Elisabeth Gertie, elle sortait d'un congé mat, donc elle avait son gosse, là, son char qui faisait pas ses nuits. Donc Ouais. forcément, elle avait les yeux sur le bouquin, elle finissait par faire n'importe quoi. Ça, Ouais. c'est classique. D'accord, bah c'est sûrement ça. Bah, du coup, je m'excuse, Madame Gertik. Mais en plus, j'imagine que traduire 1000 pages comme ça de Dostoïevski, c'est pas facile. Surtout que les maladresses dans le style, puisqu'il y en a quand même quelques-unes, le fait qu'il y ait des maladresses, ça s'explique aussi qu'en fait, le narrateur du livre est un des habitants en fait du village. Donc il y a quand même un style oral. C'est pas Et un narrateur, c'est pas l'auteur qui parle à travers son narrateur, puisque c'est censé être un habitant qui ne révèle jamais son nom, mais qui parfois parle à la première personne. d'ailleurs, je trouve ça très agréable cette façon, et c'est très moderne. On dirait un peu la préfiguration de certains bouquins de Zweig, notamment, ou quasiment tous, Ouais. qui en fait débutent par le récit d'un témoin, en fait. Donc là, les 1000 et quelques pages sont les récits d'un témoin du village qui regarde les événements, etc., l'histoire de toutes les Karamazov, le procès, le meurtre du Et qui père, donne son avis etc., aussi. qui donne un peu son avis. Tout le temps, Et il donne tout le temps son avis, hein. Il donne. ouais. Enfin, on sent par exemple qu'il peut pas blairer, il peut pas blairer Ivan, par exemple. Ouais, on dirait Daniel Riolo un peu parfois. Ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est un peu le. J'ai pas de mots. Et ouais, après, il déteste Ivan parce que je pense que Dostoïevski a construit ses personnages comme des prototypes, chacun à leur façon, d'un prototype de l'homme russe, et que Ivan était celui, clairement, que je pense, pour lequel il avait le moins d'affinité. Ouais, probablement. D'ailleurs, c'est celui qui est le moins traité, à part quand il parle dans Monologue. des longues logorrhées sur l'état de la religion et sur le fait qu'il est religieux, même s'il est athée. Enfin bon. D'ailleurs, bon, on va pas raconter comment ils finissent tous, mais bon, on sent qu'il est un petit peu mis en arrière. Ouais, il est clairement mis à l'as, hein. Ça, c'est clair. Parce qu'en fait, les trois frères, donc, parce que c'est quand même le fond de l'histoire et disons, c'est le thème. Le thème n'est pas du tout la mort du père, en fait. Ça, c'est plus la toile de fond. Le thème, vraiment, c'est d'aborder les trois types de l'homme russe. Qu'est-ce que va être l'homme russe dans la deuxième moitié du 19e siècle? Et Est-ce que tu veux dire quels ils sont, parce qu'il les a décrits? voilà, vas-y, je t'en prie. Non, non, toi, vas-y. Alors, il y a l'aîné, donc Dimitri, comme on en parlait tout à l'heure. Il est impulsif, orgueilleux et sauvage. Disons, c'est un homme brut, ancien militaire, etc., qui marche très droit, mais qui est à la fois et en même temps est souvent dominé par ses émotions, ses pulsions. On peut dire que c'est un peu le prototype de l'homme russe, un peu traditionnel, un peu bourrin. C'est un peu Gérard Depardieu. Voilà, il y a un côté Gérard. Il y a D'ailleurs, un il côté. casse la gueule à son père, hein, dans la première partie, littéralement, hein. Il casse la gueule à Ouais. son père et à son précepteur aussi. Ouais, il casse la gueule à pas mal de monde. Bon, Dont il la pète. filasse aussi, dans un bar. Ouais, il pète des gueules. En fait, il pète des gueules. Voilà, clairement. Donc ça c'est Dimitri. Et puis donc évidemment tout ça va avec le fait de tomber amoureux tous les 4 matins, etc. Quand il tombe amoureux, lui, il va pas faire une petite sérénade toute simplette. Hein, c'est le genre, il va tuer l'ours dans la forêt, te le ramener sur ton tapis, etc. Dire qu'il t'aime, etc. Enfin bref, toute la ribambelle de machin. Ensuite, derrière Dimitri, il y a Ivan, qui a priori une vingtaine, 25 ans, 20, 24 ans. Lui, c'est un intellectuel, il est beaucoup plus raffiné, mais aussi il a un côté très intransigeant. Il est athée, bien sûr, aussi. C'est sans doute ce qui en fait un personnage, disons, un peu mis à l'écart par Dostoïevski à la fin du roman. C'est qu'il est athée, il croit en rien. Et au final, en fait, le bouquin raconte beaucoup aussi les problèmes d'Ivan pour, disons, trouver un but, un sens à la vie, dans une vie privée de Dieu, en fait. Sachant qu'il n'a vraiment pas confiance dans les hommes, et il n'a pas Dieu derrière lui pour lui donner un vrai sens à sa vie, et du coup, il finit par se perdre, etc. Voilà. Enfin, il y a le dernier fils, qui est sans doute le personnage le plus intéressant. Bah, c'est le personnage principal normalement, c'est celui qui est annoncé comme le personnage principal par le narrateur au début. Ouais. Donc lui s'appelle Alexei, ou Alyosha, son surnom. Et donc lui, il a à peine 20 ans. Il est au début du bouquin, il est, disons, dans un monastère parce qu'il veut devenir moine. Donc lui, évidemment, il est très religieux, il est très croyant, mais il a surtout comme particularité d'être sincère, très sincère dans tout. Il est connu comme disant toujours la vérité, et il s'appuie souvent là-dessus. Mais également, donc, être sincère s'accompagne évidemment d'une forme de naïveté parfois un peu coupable aussi. Ouais. Alors ouais, il y a aussi il y a un quatrième supposé fils, comme on l'avait dit, il y a Smerdiakov, qui est le servant du père, donc de Fiodor, et qui est né d'une paysanne attardée mentale et qui a peut-être été engrossée par le père. Et il a fini par être servant dans la famille. Alors lui, c'est un épileptique avec des tendances très étranges, et il est très bizarre. Et c'est un petit peu le mec étrange qui rôde un peu dans la maison comme ça et qui dégoûte un peu tous les fils. On sait pas trop qui est ce gars-là, quoi. Ouais, le thème autour de lui, c'est le dégoût, quoi. C'est très curieux. C'est un personnage, pour le coup, qui est beaucoup moins analysé que les autres et qui est beaucoup plus dans le... Enfin, disons que son caractère est beaucoup plus décomposé par ses actions que les autres. Ouais. Comme s'il était moins intéressant parce que, à moitié déjà, enfin, c'est un bâtard, il pue... Il s'appelle Smerdiakov. Hein. Je ne sais pas si c'est volontaire, mais il s'appelle Smerdiakov. Tout le monde l'appelle Smerdiakov et pourtant, c'est même pas son nom. Ouais. Son vrai nom, c'est quelque chose d'autre que tout le monde a oublié, mais Smerdiakov, c'est un peu comme un surnom. En russe, c'est comme si on l'appelait le puant. Ouais, enfin, ouais. Il y a quelque chose de vraiment... ouais, lui, il a vraiment une vie de chiotte et bah, il va se venger, quoi. Ouais. Et ça sent qu'il veut se venger. Il vit dans l'insinuation, en fait. On sait jamais, ça flotte un peu quand il est là. C'est toujours très insinué ce qu'il dit. Donc voilà. Alors ouais, c'est vrai que c'est le seul personnage qui n'est pas entier. Quand les trois autres sont vraiment des monolithes, avec des caractères très très forts, très très marqués, ouais. Chacun dans leur genre est très sincère. Ouais, Ivan, il est fuyant quand même. Hein. Ivan, on sait pas trop. Hein. Ouais, mais il reste intransigeant. Tu vois, il y a des sujets sur lesquels il est plus marqué, il a des opinions très marquées. Alors que clairement, le Smerdiakov, il est bizarre, il est à moitié vu comme un être un peu voluptueux, mais au mauvais sens du terme. En fait, il a un peu repris les mauvais côtés de son père, le clown. Pour revenir sur la critique, donc moi je voulais dire que à partir donc de la deuxième partie, c'est là en fait qu'on voit, enfin je trouve moi. Je trouve que le plaisir de lecture devient beaucoup plus évident, puisqu'il n'y a plus du tout de moment de longueur, en fait, et là on passe carrément, donc c'est tout de suite après la mort, après l'assassinat du père, donc on passe au procès. Je pense qu'il vaut mieux pas qu'on dise qui est accusé, qui est impliqué dedans ou quoi, parce que c'est pas le but, là, le but c'est vraiment la critique, et je trouve qu'en fait d'un coup ça se transforme en enquête policière et en enquête, en procès, et je trouve que là ça devient vraiment fascinant, ça devient vraiment intéressant, et que ce soit au niveau même de l'écriture ou de la critique sociale, ou voilà, il y a des nouveaux personnages qui sont intéressants, notamment des enfants qui sont vraiment des personnages très particuliers, et je pense qu'ils sont des personnages très dostoïevskiens, et il y a une dépiction de la misère qui est vraiment vraiment magnifique. Presque, ça ressemble beaucoup à du Zola, et je trouve que pour le coup, c'est la deuxième partie a complètement rattrapé le livre. Enfin, ça c'est pour moi. Donc, qu'est-ce que tu en penses ? J'aurais tendance. Non, franchement, je suis d'accord avec toi. Mais moi, la première partie, j'avais pas trouvé ça déplaisant. J'avais trouvé ça juste long, mais pas déplaisant. Tu vois, je suis d'accord. C'était compliqué, par exemple. Lire 100 pages de suite, c'est compliqué parce que c'est long, etc. Ça, l'action n'avance pas, etc. La deuxième partie, il y a plus d'action, ça va plus vite parce qu'en fait, on sent qu'il y a une énigme qui doit être, enfin une énigme, une sorte de mystère qui doit être un peu résolu, donc ça avance. C'est plus facile, le lecteur est plus facilement pris dedans. Et puis il y a beaucoup plus d'action aussi. Il se passe beaucoup plus de choses et ça, c'est vraiment agréable. Et c'est là aussi qu'ab- le, sont abordés les, avec la fin du premier quand même, mais sont abordés les vrais thèmes majeurs de Dostoïevski. Donc il y a la croyance en Dieu, etc. Il y a tout un, il y a tout un tas de choses qui, disons, des thèmes majeurs qui sont abordés plus tôt dans la deuxième partie. Ouais. Ouais. Et je trouve aussi qu'il y a un, il y a une, au niveau de l'écriture et du travail qui a été fourni sur l'écriture, puisqu'il a quand même mis, je crois qu'il a commencé les plans de son livre en 74 pour que le livre soit publié en 79-80. Donc il y a quand même 5 ans de travail. Et là, en fait, on voit toute la minutie de Dostoïevski dans la deuxième partie, je pense, puisque tout se rassemble finalement, même dans l'enquête policière, on voit tout se rassembler, on voit le, les éléments de société se rassembler, enfin, on voit que tout a été minutieusement préparé. Il y a très peu de zones d'ombre. Et alors qu'il y a énormément de, il y a énormément de personnages aussi, en fait. Et mais chaque personnage est vraiment très fouillé et très intéressant. Ouais. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est pas que j'ai pas détesté la première partie, c'est juste que je me suis dit, au bout de 200 pages, en fait, je me suis dit, si je vais me taper 1000 pages comme ça, ça va être compliqué quand même. En fait, la deuxième partie me permet de mettre en branle toute la psychologie préparée dans la première, en fait. Et parce que c'est évidemment un bouquin éminemment psychologique, avec que des individus qui sont, enfin, dans leur genre, ils sont tous à moitié fous, en fait. Enfin, ouais. Y a aucun. En fait, c'est même les individus, disons, les plus intellectuels, les plus a priori construits intellectuellement, sont soit hystériques, soit complètement dingues. Enfin, ils sont. En fait, il y en a aucun qui est pondéré, et c'est ce qui fait un. Qui fait que toutes les caractéristiques psychologiques là, dans ce bouquin des personnages sont vraiment poussées à l'extrême. Et c'est. Enfin, Alyosha, très marrant, Alyosha, très, je pense qu'il y a quand même un. Il y a un point d'ambiguïté sur Alyosha. Qui, est-ce qu'il est gay? C'est vrai qu'il. Peut-être qu'il est gay en fait. Hein. C'est le seul qui n'a pas vraiment de copine, de meuf fixe ou quoi. On ne sait pas trop. Ouais, et il aime beaucoup les enfants. Ben, en fait, il est sur le point de se marier avec une handicapée, donc Lise, qui est dans un fauteuil roulant, mais qui est un peu zinzin, qui aime beaucoup se fermer les portes sur les doigts et jouer un jeu d'ambiguïté avec son frère Ivan. Donc c'est un peu bizarre. Mais ouais, donc et pourtant elle a pas été fouillée tant que ça. En fait, elle a parfois des réactions, mais complètement zinzin. Mais elle n'a pas le droit à une fin très claire, en fait. C'est assez marrant. Et elle disparaît complètement du roman. Ouais, elle disparaît du roman, alors qu'on l'avait laissée à des moments où c'était un personnage quasiment principal. Ouais. Mais ce qui indique que, comme c'est dit en fait au début du livre, que en fait les frères Karamazov devaient avoir une suite qui traitait exclusivement de la vie d'Alyosha et aussi de sa relation avec Lise. Et vu qu'il est mort l'année d'après. On n'a rien eu. Ouais. Aussi, parce que là on parlait de Smerdiakov, il y a juste une phrase qui est fantastique et en fait on l'a relevé tous les deux, même si on n'a pas la même traduction, on a relevé les deux c'est un commentaire de Mitya, donc de Dimitri, donc c'est le grand frère, en fait c'est le grand frère impulsif complètement taré qui dit donc sur Smerdiakov, alors moi ça c'est ma version, c'est il dit sur Smerdiakov, ce n'est pas seulement un poltron, c'est la somme bipède de toutes les lâchetés du monde réunies. Il est né d'une moule. Ça, c'est très drôle. Et je trouve que Dostoïevski, c'est un peu ça. Il y a beaucoup de choses comme ça, très marrantes. Et je pense que c'était un vieux monsieur très rigolo. Oui, non, mais contrairement à ce qu'on avait l'air de dire depuis le début, il y a beaucoup de passages rigolos, en fait. Ouais. Par exemple, le père, il est marrant, quoi. ça peut être surprenant, mais donc il y a souvent des réponses un peu tac au tac comme ça, ou des analogies avec les animaux, des trucs complètement bizarres, mais ça crée des. Enfin, c'est assez marrant. Et souvent, il fait dire ses remarques par ses personnages, donc, ce qui permet au narrateur de pas trop s'impliquer dans ces termes-là, mais souvent, les personnages entre eux sont d'une cruauté incroyable et c'est vraiment marrant, quoi. C'est vraiment marrant. Je pense que ça en dit beaucoup aussi sur la Russie de cette époque-là. Ça avait l'air d'être pas piqué des vers, comme on dit. Ouais, surtout la grande bourgeoisie, etc., qui reste le thème, enfin, ça reste ce dont il aime bien parler aussi. Voilà. Ouais, bah du coup c'est je pense que est-ce que ce serait pas le moment de classer ce parpaing dans notre classement? Ouais, alors comme vous avez pu le comprendre, dès qu'on aime bien un livre, on en parle vraiment comme des merdes. Donc là, a priori, ça veut dire qu'on l'a bien aimé. Ouais, parce que en fait on s'est beaucoup attardé sur les côtés négatifs, enfin les côtés qu'on a moins aimés, mais je pense qu'on a tous les deux beaucoup aimé le livre. C'est juste à part les longueurs finalement et les maladresses de style, c'est un excellent livre. C'est un chef-d'œuvre, hein, c'est pas pour rien qu'on le dit, puisqu'il est très, il est vraiment très complet. Il n'y a pas de fumée sans feu. On fait pas d'omelette sans casser des. Au sujet des longueurs, etc., moi je dois dire que j'ai une autre traduction de André Markovitch. C'est une traduction très très récente et c'est la dernière depuis très longtemps. Elle date de 2014. Et j'ai vu beaucoup moins de ces erreurs de style, ces erreurs de ponctuation, de syntaxe. Donc je pense qu'il y a eu un gros gros gros travail de fait. Donc aussi ce qui fait que j'ai sans doute eu plus de plaisir à lire ce livre que toi, avec toutes ces coquilles et tout. Ouais, moi parfois j'avais du mal à passer au-dessus de ça parce que j'avais moi c'est une version neuve, hein, c'est le livre de poche, c'est je l'ai acheté neuf et ouais, parfois il y avait Tu quand même l'as des grosses coquilles. Hein. acheté à la Fnac? Ouais, je l'ai acheté Ah, ça, du. à la Fnac de Lisbonne. Quel Et vantard. en plus j'ai eu du cul parce que je l'ai acheté à la Fnac de Lisbonne et c'était la journée du livre au Portugal et je le savais pas et ils m'ont mis 30% sur le livre. Ouais. Ouais. Il y en a qui ont de la chance dans la vie quand même. T'as une autre anecdote sur ce livre ou est-ce qu'on peut enfin passer au Bah classement? non, parce que celle-là elle était déjà très intéressante donc je veux pas non plus je veux pas en faire trop. T'as raison. Des fois, le mieux est l'ennemi du bien. Ouais. Alors Alors, classement. moi, comme argument, il y a vraiment ce côté livre-monde qu'on avait un peu aussi avec notre numéro 1 actuel, donc le retour au pays natal de Thomas Hardy. Quel bijou, mais quel bijou. Quel bijou, et quel bijou. Et justement, alors pour moi, il y a vraiment un débat entre celui-là et les frères Karamazov. Mais à mon sens, pour vraiment l'ampleur des thèmes abordés et disons, le côté, enfin, l'intensité complètement folle des personnages, moi je mettrais même les frères Karamazov devant, malgré sa longueur. Ben, je suis tout à fait d'accord avec toi, et exactement pour les mêmes raisons. Moi, je salue l'ambition de Monsieur Dostoïevski. Et ouais, je le placerai quand même devant Le Retour au pays natal. Ce qui fait quand même qu'on a deux œuvres de qualité, enfin, premier et deuxième, parce qu'on avait un peu de mal à aimer les bouquins qu'on lisait finalement. Et puis bon, là voilà, là il y en a quand même deux qui passent, hein, qui sont au-dessus du lot, donc ça fait plaisir. Ouais, Est-ce qu'on franchement, je n'applaudirait vous pas Monsieur Dostoïevski puisqu'il est premier? ouais. Bravo, Mais Fiodor. ouais, vous pouvez noter que les deux premiers bouquins du panel sont écrits par des auteurs qui sont morts depuis près de 150 ans. Ouais, ce qui est un peu triste. Ouais. Et plus on monte dans la chronologie, moins on a aimé les bouquins. Bref, quand même, ça prouve bien certaines choses, n'est-ce C'est pas? peut-être un problème, mais J'ai. après, je tiens juste à rappeler l'ambition du Bûcher des Vanités, qui est à peu près en milieu de classement. Non, quand même. Après, que Non, tu aimes ou pas non. que tu aimes le livre ou pas, Moi, j'ai. il y a quand même de l'ambition. C'est quand même, il a quand même fait ses recherches. Ça Attends, décrit une certaine. est-ce qu'on est en train de comparer avec les frères Karamazov et le Bûcher des Vanités? Absolument pas. Je dis juste qu'il y avait de l'ambition. Parce que t'as entendu, à peine t'as dit ça, il y a une ambulance qui est passée Ouais. derrière toi. Donc franchement, Non, mais honnêtement, c'est n'importe quoi. On peut franchement, non. En vrai, on devrait même pas avoir le droit de parler du bûcher des vanités dans un podcast sur Dostoïevski. Ouais, pourtant je l'ai fait. Quelle audace. Et je l'assume, monsieur. Ouais. Mais il n'y a aucun rapport. En vrai, ne tenez pas compte de son avis, messieurs, dames. Non, mais je parle de l'ambition. Je salue l'ambition. Regarde, Jérôme Kerviel, il a de Oui. l'ambition. Il a fait de la merde, mais il avait de l'ambition. Ouais, Casimir, ambition, hein. Ouais, non, puisqu'il est jamais sorti de son île. Pas pareil, monsieur. Bon, bah donc, est-ce qu'on a quand même un nouveau premier, ce qui est tout à fait. Enfin, ce qui est remarquable. Ce qui n'arrivera pas avant au moins 2 semaines à nouveau. Ouais. Là d'ailleurs, je voulais dire, je spoil, mais bon, on le réannoncera à la fin de l'épisode. On va rester un petit peu dans la même période. Et en fait, on s'est aperçu qu'on avait fait qu'un seul roman français sur toute la liste. Ouais. Alors on avait hésité entre un roman français de Beck BD et Et Marie Dariussec. et finalement on s'est dit on va le prochain livre qu'on va lire donc c'est 20 milieux sous les mers de Jules Verne Ouais. et Attends, on avait dit petite ça, mais en fait, anecdote on voulait un livre un peu plus court, mais il fait quand même plus de 600 pages, donc c'est chiant. ouais c'est vrai mais bon c'est petite anecdote mon collège était le collège Jules Verne donc Allez. Ouais. voilà donc je pars gagnant là clairement. Bah, moi, petite anecdote, j'ai sauté 4 classes, donc j'ai pas été au collège, en fait. J'ai fait directement CM2, première L. Bah écoute, c'est pas mal. Ça, mais après, c'est pas bon, ça finit par se voir que t'as fait 4 ans de scolarité au total. Moi j'ai lu Dostoïevski. T'as une patate chaude. Bon, alors, on passe au reco? Bah ouais, on peut faire ça. L'œuvre de Proust me paraît courte. On voudrait lire et relire encore après la dernière ligne du temps trouvé. De ne pas être dans la sympathie. Et c'est ça le génie de Camus. Et c'est ça qui m'intéresse, Camus et hip-hop. Je me prends pas pour un Quichotte, mais souvent je me suis pris pour le cheval de Quichotte. Ce n'est peut-être pas très original, mais le livre qui a changé ma vie est, je crois, Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline. Houellebecq est un écrivain important de notre époque parce qu'il décrit exactement la misère sexuelle de notre époque. Ma recommandation d'aujourd'hui, j'allais dire de la semaine, mais vu qu'on fait des épisodes tous les 3 mois et demi, mon épisode du mon, ma recommandation du semestre, c'est en rapport avec l'actualité littéraire, les œuvres de Loulipo. C'est pas une œuvre, c'est plusieurs œuvres, et donc je reviens là-dessus puisque Georges Perec, qui est un des auteurs phares de Une des odeurs phares de Loulipo vient d'être publiée à la Pléiade le mois dernier. Donc je voulais juste parler de Loulipo, qui est l'ouvroir de littérature potentielle, en abrégé Oulipo, qui est en fait une association pendant que ton chien est en train de... Qu'est-ce qu'il fait? Il sait pas. Non, il sait pas. Est-ce qu'il il est épileptique aussi. il a une crise à la Smerdiakov. Donc c'est un rassemblement d'auteurs qui... Non, c'est un boxeur. C'est, oui. Ouais. Ton chien n'est pas un rassemblement d'auteurs. Donc pour revenir sur un rassemblement d'auteurs. Loulipo, qui n'est pas un chien, c'est donc un... En fait, c'est une sorte de... Je pense que je veux pas pousser les portes ouvertes, mais c'est quand même important d'en parler. Donc Loulipo, c'est un rassemblement d'auteurs qui se propose de rechercher, de faire des recherches sur la forme littéraire. Ça n'est pas basé sur la substance du livre, mais sur sa forme. Donc il y a beaucoup d'œuvres, comme La disparition de Georges Perec, qui consiste à écrire un livre entier sans la lettre E. Donc voilà, il y a des recherches sur la forme de l'œuvre, on se propose différents types d'œuvres. Différents types, pardon, de formes ou de contraintes pour écrire. Je voulais notamment citer les poèmes bègues, si j'arrive à les retrouver. Poèmes bègues. donc qui consiste à répéter des qui consiste à répéter des syllabes dans un poème. Je vais juste lire deux quatrains. Voilà. Donc ça, c'est un poème de Jean Lescure. À Didyme où nous baignâmes, les murmures de l'arara cessaient de faire ce rare a, leçon sombre où brouillaient les âmes, même et marine marmara. Tu un temps tendre à périr, l'âme erre amère en des désirs qui quitte enfin un arara. Voilà. Donc c'est une succession de syllabes. Voilà. Donc je voulais juste rappeler que Georges Perec a écrit W ou le souvenir d'enfance. Et que c'est un des livres majeurs. J'avais oublié le nom de ce bouquin où il raconte 99 fois la même histoire mais d'une façon différente. J'ai oublié le nom. Moi aussi. Mais voilà, ça c'est des exemples de formes. Et donc là, je suis sur le site de Loulipo et il y a une section contraintes. Donc il y a toute une liste de contraintes qui se sont imposées et il suffit de cliquer dessus et de voir à quoi ça ressemble. Il y a le palindrome, donc on est obligé d'écrire une œuvre entière en palindrome. Voilà, par exemple. Et là, je sais pas où je vais, donc je pense que je vais arrêter maintenant. Et surtout, ce qui est très marrant, c'est quand même que tu es parti du fait que la Pléiade publie donc deux œuvres de Perec, parce que c'est deux œuvres en fait qu'elle publie, pour partir complètement sur l'Oulipo et sur Jean Lescure. Alors, moi, j'apprécie beaucoup ton ouverture d'esprit, mais je ne sais pas si tu as réussi à tenir en haleine tous tes auditeurs. Non, je pense que j'ai endormi beaucoup de monde. C'était un peu ma contrainte et j'ai réussi. Mais ça faisait partie des techniques oulipiennes de base, hein. Endormir son auditeur pour pouvoir tout lui dire. Ouais. C'était classique. Bah écoute, ça m'a l'air passionnant. Vraiment, si ce n'était pas la Pléiade, si ce n'était pas toutes les œuvres de Georges Perec, sans doute que je me le procurerais. Ouais. Moi, je vais vous parler d'un petit bouquin. Parce qu'on en a marre des gros pavés, clairement, et puis celui-là, même si je le lance, honnêtement, ça risque pas de faire grand mal à tous les CRS qui traînent en bas de chez moi. C'est donc l'œuvre de Cap et de larmes, je l'affiche à l'écran, de Nina Berberova. Donc ouais. En russe, c'est la fille du berbère. Normalement, oui. Donc c'est un petit roman, 90 pages, sur la vie de deux sœurs en situation de précarité. Dans le Saint-Pétersbourg, donc Pétersbourg des années 20. C'est très fin, c'est très léger, c'est très court aussi, c'est très intelligent. Donc c'est un peu deux sœurs qui vivent dans la même pièce que leur père, un peu fou. Disons qu'il y a un peu de la folie russe là-dedans, toujours. Et disons avec une... Il y a une forme de passivité, de fatalité qui est liée au bouquin, qui est vraiment sympa, voilà. Et voilà, c'était surtout aussi pour parler d'un bouquin court, voilà. Eh ben, je te remercie en tout cas de ton effort. Un bouquin court. Je pense que cet épisode sur Dostoïevski touche à sa fin, finalement. Et puis elle est russe, enfin, c'était surtout pour ça. Ah bah oui, c'était pour ça, j'avais pas capté. Elle est fille de Berber, mais russe. Une fille de berbère russe, ouais. Tout à fait. Ouais, bah, écoute, merci. donc, je voulais juste rappeler, en fait, bon, on voulait faire quelque chose de court, mais comme d'habitude, on n'y arrive pas. Et on voulait tracher un bouquin, et comme, en fait, c'est un bouquin qu'on a quand même bien aimé, et qui est, encore une fois, premier de la liste, bah, ça tombe mal, parce que on l'a pas vraiment démonté. Mais promis, la prochaine fois, on va lire une grosse bouse, et je pense que Jules Verne, il va en prendre pour son garde. Qu'on va adorer, je sais pas. Oui, c'est ça, je me projetterai pas trop. Si on veut vraiment lire une bouse, on se dit bon, la semaine prochaine on lit Trois femmes puissantes. Voilà. Alors, en parlant de ça d'ailleurs, tu fais très bien d'en parler, puisque le prochain épisode, ce sera pas celui sur Jules Verne, ce sera un hors-série. Alors attention, ce sera un hors-série œuvre surestimée. Ouais, défouloir. Défouloir. Alors là, on va prendre que du FDP. Que du lourd. Que du lourd, que du connu, que du Goncourt, du machin, il a reçu tel prix de mon cul. Tout ça, on va le prendre. Voilà. Et on va vraiment, on va en parler, mais d'une façon complètement arbitraire. Ouais. 100% personnelle. Mais donc en essayant quand même d'être intègre le plus possible. Tu crois que c'est possible ça? Bah, on va essayer, au moins, à défaut d'être juste, on va essayer d'être sincère. Hein. Ouais. Bah, en tout cas. Ouais, et donc on va. Voilà, le but c'est qu'on on prenne, je sais pas, peut-être on va prendre peut-être 5 bouquins chacun, ou 10, et on va essayer de leur trouver tous les défauts du monde. En fait, ce sont des livres, a priori, pour le coup, dont qu'on connaît, et que. Donc nous connaissons à peu près les défauts. Et qui ont eu un certain succès quand même. Ouais, ouais, ouais. Le but c'est qu'on envoie des volets, quoi. Ouais. Alors, je pense qu'on sera guidé par la jalousie et l'amertume. Et c'est ça sûr. Qui nous, de toute façon, c'est ça qui nous anime. Oui. D'un autre côté, alors oui, j'avais une deuxième recommandation. Alors, ma recommandation, c'est Le cortège des épileptiques. Allez. C'est un premier bouquin d'un jeune auteur prometteur. Quoique depuis il n'a pas fait grand chose, je dois vous dire, mais c'est pas grave. Son auteur, donc, c'est Mathieu Carlier, M-A-T-H-I-E-U. Deux T. Je sais, j'ai fait exprès. Okay. Et donc, c'est, comme son nom l'indique, c'est prétentieux. Est-ce que tu as pris Le cortège des épileptiques pour. Parce que. Pour, en référence à Smerdiakov? En vrai, bah, les épileptiques, tu aurais pu faire un cortège des hystériques, ça aurait été encore mieux, mais... donc voilà, qui est... donc, c'est un bouquin écrit donc, par mon collègue du jour, qui traite d'une espèce de marche un peu folle, sans but très précis, de deux individus, de deux marginaux. Et bah, contrairement aux apparences, c'est assez fin, c'est plutôt court. Et il n'y a qu'une seule coquille, donc franchement, achetez-le. Voilà, merci, hein, merci. Je pense que ça faisait 2 ans que je n'avais pas entendu parler du livre, donc voilà. Merci bien. Ouais, ça, c'est depuis que tu ne touches plus les royalties, là, parce qu'on va en faire. Hollywood l'a acheté. Ouais. Et, donc voilà. Mais je voulais dire, c'est pas une marche sans but. Hein. Au départ, ils sont censés retrouver une amie péripatéticienne à eux. Péripatéticienne, donc, qui marche sous les portes. Ouais. Tout à fait, tout à fait, puisque c'est une grande philosophe nommée Débidou. Voilà. Débidou, j'avais oublié son nom. Ouais, Débidou. Mais écoute. Voilà. Mais écoute, très bien. Sur cette deuxième recommandation, un peu plus personnelle, disons, qui vient un peu plus du cœur, des tripes, je pense qu'on peut clore cet épisode douloureux pour tout le monde. Ouais, mais on a fini les frères Karamazov, c'est incroyable. Enfin, ouais. Je prends ça pour un accomplissement. Hein. Comme quand j'ai appris à nager, pour moi, là, j'ai lu les frères Karamazov, ça y est, c'est bon. C'est vrai qu'il y a un peu... maintenant, on peut enfin démarrer notre vie. Ouais. C'est le deuxième jour du reste de notre vie, ouais. Je sais pas comment dire. Je pense qu'on est des hommes complets, maintenant. Oui. Ouais. Oui, oui. Voilà. Enfin, oui. Bah, après, par contre, ça serait quand même bien si tu retrouvais ta deuxième jambe. Mais. Ouais. Bah, écoutez, merci de nous avoir écoutés pour cette fois. Et on essaye de faire vite pour le prochain épisode. On vous embrasse fort, surtout toi, notre seul follower. Ouais. Allez, bisous, bisous. Est-ce que notre seul follower, ce serait pas la mère Russie? La mère Russie. La mère Russie. En parlant de ça, peut-être une musique. Ouais, on va s'en trouver. On va retrouver un truc. Allez, ciao, ciao. Das Wiedersehen.